Le groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a publié dans son page d'internet un écrit titré « Ignorant ». L'auteur note que l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de la Corée a révélé nettement que les États-Unis sont l'ignorant et que tant qu'ils n'abandonnent pas leur politique invariable de suppression contre la République populaire démocratique de Corée, la capacité nucléaire de la Corée sera renforcée sans cesse en qualité et en quantité.